La nuit, quand le soleil va au septième ciel, je pense à ma vie, à mes soucis. Mes parents qui m'abandonnaient, que je dois pardonner, par récidiver. Je rêve un truc où je suis seul et nu sur une scène de spectacle. Les spots m'éblouissent les yeux. J'entends un cri de la foule. Les folles sont les filles, sont jolies et se déshabillent. Au ralenti, je prends le micro et je commence à chanter. Je sens ma bite qui durcit, alors je la saisis. Toutes les filles, elles sont chaudes. Alors je m'agite, je continue de chanter. Mon rêve, et aussi tous mes copains et mes amis. Alors je leur dis de venir chanter avec moi notre chanson. On fait une ronde avec mon papy et ma mamie. Mais toutes les filles elles commencent à partir, à se revêtir. Alors heureusement on les empêche et on les fracasse. Je me réveille, le soleil est revenu. C'est un matin comme j'aime, les oiseaux chantent, je mange fort et j'en ai partout. Je me lève, c'est une bonne journée qui commence.